Fable de Jean de La Fontaine. Livre 6. L'âne et ses maîtres. L'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore. « Les coqs, lui disait-il, ont beau chanter matin, je suis plus matineux encore. Et pourquoi ? Pour porter des herbes au marché. Belle nécessité d'interrompre mon somme. » Le sort de sa plainte touchée lui donne un autre maître, et l'animal de somme passe du jardinier aux mains d'un corroyeur. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué l'impertinente bête. « J'ai regret, disait-il, à mon premier seigneur. Encore, quand il tournait la tête, j'attrapais, s'il m'en souvient bien, quelques morceaux de chou qui ne me coûtaient rien. Mais ici, point d'aubaine, ou si j'en ai quelqu'une, c'est deux coups. » Il obtint changement de fortune, et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tout le dernier. Autre plainte. « Quoi donc ? » dit le sort en colère. « Ce beau déci m'occupe autant que 100 monarques pourraient faire. Croit-il être le seul qui ne soit pas content ? N'ai-je en esprit que son affaire ?» Le sort avait raison. « Tous gens sont ainsi faits. Notre condition jamais ne nous contente. La pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placets. Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête. Nous lui romprons encore la tête. »